Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque, épisode 9 déjà en fait. Pour cet épisode de novembre, je reçois un petit nouveau dans l'équipe, pas dans l'équipe 80s mais dans l'équipe Manche Disque. En l'occurrence, il s'agit de Gizmo. Alors bonsoir Gizmo. Salut Louise. Comment allez-vous bien ? Ça va super bien, je suis super content de parler de musique et puis se replonger dans cette superbe époque des années 80. Pour le coup, bah, c'est toi qui vas enchaîner tout de suite, hein, parce qu'on fait une émission un petit peu spéciale qui va être centrée sur une période particulière qui se trouve être 81-85, pour une raison très particulière aussi, que je te laisse nous expliquer. Ouais, on avait proposé ce concept d'émission, puisque pendant cette période-là, j'ai vécu à l'étranger, en Arabie Saoudite, et la musique a été extrêmement importante pour moi à cette époque, puisque vu le contexte un peu religieux de ce pays-là, les personnes qui étaient non-musulmans dans ce pays étaient regroupées dans ce qu'on pourrait appeler un camp. Donc c'est une sorte de village entouré de murs gigantesques de miradors. Donc c'est un peu impressionnant vu de l'extérieur. J'ai vu le site web que tu m'as envoyé, ouais. Pour le coup. Effectivement, ça donne une idée assez limite. Je pense qu'il faut le mettre après dans le billet parce que ça voilà. Vaut le déplacement. Donc je pense que ça intéressera nos auditeurs de voir qu'est-ce que peut être éventuellement une vie d'expatrié. Et cette vie-là était quand même assez particulière parce que quand vous arrivez à proximité de ce camp, vous avez l'impression de rentrer dans une prison, quoi. Enfin, vous me dites que vous êtes parti pour plusieurs années en enfer. Et une fois que les portes s'ouvrent et que se ferment derrière vous, en l'espace d'un mètre, c'est le club Méditerranée. J'allais dire, il y a des géos partout. Donc on va mettre ça sans doute dans le billet, mais vous avez les piscines gigantesques, les geysers, les terrains de tennis, enfin absolument tout, le fameux clubhouse, restaurant où on mange au bord de la piscine. Et pourquoi musique ? Puisque en dehors des zones d'habitation, mais qui sont quand même assez proches des zones d'attraction de piscine et autres, il y a la musique. Et la musique est non seulement dans le clubhouse, à la piscine, sur les terrains de tennis et diffusée sur haut-parleurs. Et donc pendant 4 ans, je me suis pris de la musique des années 80 non-stop du matin jusqu'au soir. C'était impossible de marcher sans écouter la musique. Et un autre phénomène, étant donné qu'il n'y avait pas internet à l'époque, il n'y avait pas les grands supermarchés avec tous les disques, on n'avait quand même pas énormément de choix. Et donc les disques qu'on va citer pendant cette émission, c'est des disques que je n'ai même pas écoutés en boucle. Je les ai écoutés du matin jusqu'au soir. Je pouvais même me déplacer jusqu'au restaurant à l'oreille en entendant Billie Jean par exemple. D'accord, tu les bouffais à la pelleteuse. Exactement. Et puis même si tu avais un artiste que tu n'aimais pas forcément à la base, mais tu finissais par l'aimer parce que de toute façon il n'y avait que ça à écouter. C'est ça, la torture par le son en fait. C'est ça. Et c'était que occidental ou t'avais des choses, on va dire plus locales, je sais pas, t'as pas été matraqué avec Oum Kalsoum ? Non, pas du tout. C'était vraiment que, je crois que ça devait être des expatriés qui ramenaient leur vinyle là-bas, enfin, ou leur cassette à l'époque. Et du coup, non, c'était que des. Alors, quelques artistes américains, mais c'était surtout de la pop anglaise qui était diffusée. Et vraiment non-stop, il n'y avait pas d'autres nationalités qui étaient diffusées là. D'accord. Et quand tu as changé de contexte, t'as ressenti le besoin de te faire une espèce de purge musicale après, c'est ça ? Déjà, j'étais extrêmement influencé par cette culture anglophone. Et moi, surtout, c'est que le retour en France ou même pendant l'été, j'ai découvert vraiment la musique française avec ce qu'elle a de bien et aussi avec ce qu'elle a typique. Parce que quand on est habitué à ce genre de musique telle que j'écoutais et qu'on se retrouve avec, Corinne Charby ou Sabine Paturel ou des trucs comme ça. Ça fait un choc. Pour moi, c'était Disneyland, quoi. À la fin, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Licence 4 et j'en passais des meilleurs. D'accord, parce qu'ils trouvaient pas un licence 4 Britpop. Non, en plus, licence 4 en Arabie Saoudite, rien que le thème, ça le faisait pas du tout. Non, mais ça aurait été rigolo pour le coup. Ça restait transgressif de toute façon, d'une certaine manière. Exactement. Ok, donc de ça, tu nous gardes, on va dire, une certaine collection de disques dont tu nous sélectionnes, donc les principaux. Donc tout ce que tu as pris, c'est des disques avec lesquels on t'a martelé la tête à l'époque. Exactement. Ok, alors je case en face que moi, fatalement, j'ai pas été élevé dans un camp de vacances. Pour le coup, j'ai essayé de m'astreindre au même exercice, donc j'ai pris des disques, alors j'ai triché un peu, j'ai pris des disques que j'écoutais sur cette période-là, ou des disques, on va dire que j'aurais aimé, il y en a deux dans le cas, que j'aurais aimé avoir parce que je connaissais un certain nombre de morceaux et j'aurais adoré avoir le disque à l'époque. Donc voilà, je me suis calé sur la même période. Alors, tu commences avec un truc C'est hallucinant qu'on ne l'ait pas encore chroniqué, celui-là. Mais justement, au moment où j'ai regardé les émissions, j'ai dit, oh là là, si ça se trouve, ça a été chroniqué au moins 10 fois, mais non. Même pas. Bah, donc, mon premier morceau, ça va être l'album Thriller de Michael Jackson, et l'extrait choisi est Billie Jean. Voilà, c'était Billie Jean de l'album Thriller de Michael Jackson. C'est vraiment, je pense, un album totalement mythique. Je crois même que c'est un des albums les plus vendus au monde, qui a fait la fortune de Michael Jackson. C'est son 6e album en solo. Donc je savais pas que cet album était à ce niveau-là, mais 6e album de Michael Jackson qui a été coproduit par Quincy Jones en 1982. Son album précédent Off the Wall avait eu pas mal de succès et Michael Jackson avait vraiment, enfin il le dit lui-même, il voulait vraiment avoir une reconnaissance artistique bien plus forte qu'avec ce premier album, parce qu'il avait été déçu des récompenses qu'il avait eues sur cet album, et il voulait vraiment tout exploser, il voulait même avoir l'album le plus vendu au monde et devenir extrêmement riche. Donc ça donne cet album qui est absolument culte, magique. Chacun des titres est vraiment spectaculaire dessus. Moi personnellement, j'ai surtout récupéré Billie Jean, puisque déjà c'est un titre qui est composé par Michael Jackson, ce qui n'est pas le cas de tous les titres de cet album, et c'est vraiment un des titres que j'ai le plus écouté au forceps, mais vraiment qui a été le plus présent pour moi dans mon enfance. Et à chaque fois qu'il y avait des soirées ou autres, on se sentait obligé de faire les pas de chorégraphie de Billie Jean, et pour moi c'est vraiment indispensable d'écouter ça. D'accord, c'est-à-dire que quand tu mets Billie Jean, t'as toujours une petite voix qui te fait, est-ce que tu reprends la salade de fruits? C'est ça. Bizarrement, la partie Thriller n'était pas tant diffusée que ça, mais Billie Jean, ça a été vraiment, je crois qu'il y a une espèce d'aura autour de ce disque-là, et à la limite, on disait même plus on va à la piscine, on va à Billie Jean, parce que ça a l'air... Et toi, ton sentiment, tu adores cet album? Ah oui, on s'est pris le disque dans la tête à l'époque, de manière assez violente. J'ai deux anecdotes dessus. La première, que, on va dire, toute personne ayant vécu à l'époque en France connaît fatalement ça, c'est le truc que t'as pas vécu, qui est la diffusion du clip de Thriller chez Michel Drucker à Champs-Élysées. Non. Et ça a été un truc... Moi, je savais pas à l'époque qu'il avait fait des trucs avant. J'avais probablement déjà vaguement entendu 2-3 chansons, mais pour moi à l'époque quand le disque est sorti c'était un artiste tout neuf, même les Jackson 5 c'était inconnu. Mais bon, à ce moment là on commençait à connaître un petit peu le truc, on avait eu 2-3 morceaux, et quand le clip Thriller est passé, il a été annoncé un petit peu à l'avance à la télé, et il passait genre à 22h, 22h30 chez Drucker. Et on avait, je pense, toute une classe d'âge, on avait tous été autorisés à se coucher super tard pour le regarder, pour pouvoir regarder ce truc-là. Et le lundi matin, on ne parlait que de ça à l'école. Et ça a vraiment été un marqueur. Pour moi, c'était phénoménal. Et en plus, bon, même si j'ai pas choisi ce morceau-là en particulier, parmi les rares fêtes qui étaient autorisées pour nous dans le pays, il y avait Halloween. Et je peux vous garantir que même avant l'existence de YouTube ou de Facebook, les flash mobs, on savait ce que c'était. Et Halloween, les gens faisaient la chorégraphie de Thriller dans la rue. Et c'était absolument fantastique. D'accord, ça j'ai pas eu droit en vrai encore. Ça j'aimerais bien. Il y a un autre truc à l'époque qui m'a vraiment éclaté. Pour moi, on va dire que c'est quand même, si on doit retenir un album de la décennie, naturellement, c'est con, parce que ça fait vraiment tarte à la crème, mais ça sera quand même celui-là. Et à l'époque, il y avait un gros revival années 60 en France. Et fatalement, bah moi j'avais ma mère qui était jeune dans les années 60, et elle répétait assez régulièrement que oui, elle était allée au concert des Beatles à l'Olympia en 64 avec Trini Lopez et Sylvie Vartan. Et bon, qu'elle avait vécu un truc qui était un événement planétaire. Bah, quand Thriller est arrivé, je l'avais, mon événement planétaire. Même si c'était à la télé. Enfin, musicalement, on avait vraiment l'impression de vivre un truc qui était le marqueur de la génération et qui était aussi important que ce qu'avaient pu être les Beatles pour la génération de nos parents. Il y a vraiment eu un avant et un après. Voili voilou. Tu passes au tien ? Je fais dans le classique aussi. Donc, le disque, c'est Face Value de Phil Collins, album de 81. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est Behind the Lines. I held a Donc c'était Behind the Lines de Phil Collins, extrait de Face Value 1981. Donc c'est vraiment ma chanson préférée du disque, alors que c'est absolument pas sorti en single, mais de toute façon, généralement, c'est toujours comme ça que ça se passe avec moi. C'est un disque que je me suis fait offrir par erreur, parce que à l'époque, mes parents étaient déjà divorcés, parce que j'ai dû l'avoir en 82, je pense, le disque, et ma mère avait acheté deux disques en même temps, qui avaient une pochette assez similaire. Il y avait le Phil Collins, et il y avait l'album d'un artiste dont plus personne ne se souvient, qui s'appelle Joe Dolce, qui est un italo-américain, qui avait fait une chanson qui, elle, est restée un petit peu... qui s'appelle Shut Up Your Face, et que je trouvais super drôle. Et comme fatalement, il me fallait mes disques chez ma mère et les disques chez mon père, j'avais repéré les trucs qui m'intéressaient, et j'ai dit « Ah, je veux ce disque-là !» Et en fait, j'étais persuadé que j'avais pris le disque où il y avait Shut Up Your Face, et je me suis retrouvé avec le Phil Collins. Au final, j'ai pas du tout regretté, parce qu'il est quand même infiniment mieux que l'autre. Et je l'ai écouté en boucle pendant très très longtemps, et pour le coup, tellement en boucle que je l'écoute toujours maintenant. Alors, c'est le premier album solo de Phil Collins. Il a été enregistré, en fait, en parallèle de l'album Duke de Genesis, dont il faisait encore partie à l'époque. Mm-hmm. Donc, globalement, entre 79 et 81. Il a trois reprises. Donc, le fameux Behind the Lines, qui est une reprise de Genesis. La chanson originale était sur, justement, Duke. Et il a fait x2 sur le rythme. Et ça donne cette chanson qui... Moi, j'adore les deux, mais j'avoue que la version sur l'album solo est vraiment super efficace. Il a repris Tomorrow Never Knows des Beatles. Mm-hmm. Et à la toute fin de l'album, et c'est super drôle comme truc, il reprend juste le début de Over the Rainbow du Magicien d'Oz. Et c'est hallucinant parce que je n'ai découvert ce truc-là que quand je suis passé sur CD. Alors que le vinyle, je l'ai usé. Mais je devais retirer le bras, je pense, avant. Ça, c'est drôle, ça. Donc, ce truc-là, je l'ai découvert très très longtemps après, en fait. Mais moi, si tu vois, j'ai découvert cet album avec ta sélection. Puisque pourtant, je connais bien la discographie de Phil Collins. Hein. Il y a beaucoup de chansons, d'ailleurs, on l'avait même en devoir à l'école. Les chansons de Phil Collins. Ah oui? Oui. Comme j'étais dans des pays anglophones, parmi les examens que l'on avait qui étaient toutes notées, on te faisait écouter une chanson... je sais pas moi, 5 fois, et tu devais écrire le texte sur la feuille. D'accord, oh, c'est intéressant. Donc Phil Collins, c'était vraiment un des fils rouges où on devait écrire noir sur blanc les textes. Il y avait Tracy Chapman qui rentrait là-dedans aussi. Et bon, ça va, c'était pas les artistes les plus incompréhensibles, mais donc Phil Collins, j'ai quand même beaucoup pratiqué. Il y a des chansons que je connaissais, mais pas l'album en particulier. Je l'ai vraiment écouté avec plaisir. C'était plutôt même assez rafraîchissant de réécouter ces chansons. Et franchement, j'ai bien aimé depuis. Je crois que je l'ai écouté 2 ou 3 fois, donc ça m'a bien plu. Je trouve qu'il est vraiment excellent parce qu'il est bourré de bonnes chansons et il arrive à faire un ensemble que je trouve assez cohérent. Alors c'est d'autant plus cohérent qu'il est dans une époque qui est très très cohérente parce qu'il écrit absolument tous les textes sur sa rupture. D'ailleurs, tout ce qu'il a écrit globalement pour Genesis à l'époque, c'était aussi sur sa rupture, donc il avait que ça en tête. Et il se démarque de l'image qu'il avait jusqu'à présent de batteur et de batteur prog en faisant un de la boîte à rythme sur In the Air Tonight. Et en ajoutant un truc qui était sacrilège à l'époque, c'est la section cuivre d'Earth, Wind & Fire. Et le côté « je vais ajouter des cuivres », ça donne une dimension au disque que je trouve absolument géniale. Et l'intro de I Missed Again, justement le début de la phase B, tu te la prends bien dans la tête, quoi. Je trouve que ça marche super bien. Le seul truc que je reprochais à Phil Collins, enfin en tout cas en plus par rapport aux sélections que tu avais fait, c'est juste que ça manque un peu de différence de tonalité, mais par contre c'est vraiment un très très bon album, ça y a pas de souci. Vous avez un autre classique après. Donc mon prochain titre, ça va être l'album True IA de Dixie's Midnight Runners, un disque de 1982, et j'ai choisi l'extrait Common Eileen. Run. Donc c'était comme un Aileen. Donc là, pareil, j'ai choisi le titre qui était le plus connu de tous pour pouvoir vraiment resituer l'album. Après, j'ai parlé vraiment de l'album parce que c'est vraiment un disque qui mérite d'être parcouru en détail et pas s'arrêter uniquement au disque que tout le monde connaît. Juste un petit message sur le groupe. Donc, les Dixies est un groupe britannique. Ils ont commencé en 1978 et leur carrière a continué jusqu'en 1986. Ils se sont reformés en 2003. Et cet album, Touraé, est leur deuxième album. Et il a connu un fort succès en Europe et surtout, bien sûr, en Grande-Bretagne. Il a un style extrêmement varié et c'est pour ça que j'incite vraiment à aller écouter cet album, puisque en dehors de cette chanson-là, il va y avoir un mélange de sonorités pop, bien sûr, mais il va y avoir aussi énormément de sons très traditionnels et celtiques, même des titres qui ont le mot celte dans le libellé. En effet. Et c'est vraiment un album, en opposition avec Phil Collins qu'on a vu avant et d'autres que je vais citer, c'est un album qui a vraiment des ruptures, je trouve, par chanson. Donc c'est vrai qu'il y a parfois quelques mélodies un peu anglaises, irlandaises qui reviennent, mais sinon il fait des ruptures claires sur certains disques et pour moi c'est vraiment un album complet. C'est pas juste l'album qui contient comme un Aileen, c'est vraiment un album complet avec des disques qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc le tout premier, par exemple, si vous l'écoutez, Celtic Soul Brothers, dès les premières notes c'est vraiment de la musique traditionnelle celte telle qu'on aimait, mais avec beaucoup de rythme dessus. Ensuite vous allez avoir une autre musique que je recommanderais qui s'appelle Jackie Wilson Said. Il emploie aussi le même type d'instrument, mais je dirais pas que ça se rapproche du ska, mais c'est quand même nettement plus rythmé. Et on voit vraiment que le groupe prend un gros plaisir à jouer sur ce disque-là. Il y a Hold, le suivant, qui est aussi extrêmement bon. Donc voilà, c'est un album pour moi qui est très varié. C'est vrai que je l'ai écouté un peu trop de fois. Donc c'est peut-être aussi le fait d'avoir pas énormément de collections de disques, donc forcément je les connais tous, mais c'est vraiment un album qui mérite d'être connu et de pas juste s'arrêter au titre phare que tout le monde connaît, quoi. Je te rejoins. Alors moi je l'ai découvert très tard et honnêtement quand je l'ai écouté, il me semble pas avoir entendu un titre qui me disait « Ah oui, en fait ce truc là machin ». Non. Alors j'ai dû passer à côté comme ça peut arriver, mais moi je l'ai découvert on va dire fin années 80. Attends que ça ? Oui. En tout cas moi je connaissais pas du tout et ça m'a éclaté dès la première note. À la limite, j'ai presque envie de dire que Common Aline, c'est presque la moins bonne. Ça termine là-dessus, mais à la limite, le reste est tellement excellent. Bah, pour tous les albums que j'ai choisis, j'ai vraiment hésité à entreprendre la chanson pour que les gens s'identifient à l'album et la chanson que je préfère. Parce que si on me demande celle que je préfère, c'est la toute première de l'album, c'est Celtic Soul, que j'aime beaucoup. Très honnêtement, je vais avoir une difficulté à choisir entre celle-là et Plan B sur l'autre. Oui, face. Très bien aussi. Moi, je trouve pas, par contre, que l'album est si varié. Alors, ça me dérange pas. Je trouve les chansons toutes super bonnes. Pour moi, il n'y en a vraiment pas une seule de faiblarde, mais elles sont toutes quand même dans un style, pour moi, très très défini. On reste quand même dans la chanson de pub, on va dire. Ça sent la bonne binouze. Oui. Et puis voilà, point. Ça me cause pas comme un album d'une immense variété musicale, juste d'une immense qualité musicale. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment, c'est un gros gros classique pour moi. Je l'ai découvert sur le tard, mais depuis, je l'ai jamais lâché. Alors moi, je reste sur 82. Après l'album que je me suis fait offrir, là pour le coup, il y a l'album que j'ai entre guillemets piqué à ma mère. Donc c'est Avalon de Roxy Music en 1982. Et j'avais là encore pas envie de prendre les singles. Le titre que j'ai choisi, c'est The Space Between. Donc c'était The Space Between, un Roxy Music, Avalon 1982. Qui est un gros délire. Je sais pas. Ah si, je trouve. Par rapport aux premiers albums du groupe, il est très très sage. Ouais, enfin, en tout cas, surtout le disque que t'as choisi, enfin, nous, en tout cas, à l'époque, il était connu, surtout pour l'espèce de refrain qui veut pas dire grand chose, mais c'était vraiment délire, là, pour nous. C'était vraiment la chanson vraiment délire. Non, trop fort? Je t'avouerais que je parlais un petit peu anglais, j'avais commencé mes cours, mais enfin, disons que j'en étais pas spécialement à décortiquer les paroles des chansons. Ouais. Parce que je naviguais, on va dire, entre ce qui passait à la radio et Chantal Goya. Ah oui. Et en 1982, le hit parade des Schtroumpfs, attention, très bon disque. Les paroles, c'est toujours un truc qui m'est venu en deuxième écoute. C'est vraiment pas du tout le truc que je prends d'entrée de jeu. C'est après, si la musique me plaît, si l'ambiance générale me plaît, après je commence à écouter les paroles. Là, honnêtement, en 82, ça me passait royalement au-dessus de la tête. Je trouvais juste qu'il y avait une ambiance extrêmement envoûtante sur le disque. Il y a un côté film et il y a une grosse... Ça va être le terme de l'émission. Il y a une grosse cohérence aussi sur ce disque-là. Very consistent. Mm-hmm. Cet album, en tout cas, il est tout en synthé. Ouais, mais pour un album qui est très synthé, il y a une ambiance, je trouve, extrêmement chaleureuse. Mm-hmm. Une fois de plus, surtout si on compare au côté complètement barré des premiers disques de Roxy Music. Même la voix de Brian Ferry, il est complètement sur un registre ultra crooner. C'est très enveloppant, très chaud, malgré ce côté, effectivement, un peu froid des synthés. Et le titre The Space Between, il rentre pas dans le cadre de la chanson, on va dire, top 50 traditionnelle. Ouais, mais j'ai trouvé quand même que c'était le plus commercial de tout l'album. Ah bah c'est bizarre, parce que moi ouais, c'est tout le contraire. Enfin, pour cet album, tu me demandes quel titre je retiens, je prends le premier, More Than This, mais est-ce que c'est celui que... D'ailleurs, quand on a... je préparais l'émission, j'écoutais l'album, et ce premier titre, More Than This, je crois qu'il m'a traîné dans l'oreille toute la journée, j'arrivais pas à m'en débarrasser, j'ai dit qu'est-ce qu'il m'a fait. Mais bon. Mais là encore, c'est pas le meilleur. Tu prends un titre comme... India, peut-être. India, exactement. Ouais. Oh, celui-là, mais... tu parles entre ça et Tara à la fin de l'album, avec cette mélodie au sax qui est absolument poignante. Ah non, je trouve qu'il a quelque chose de magique. Vraiment de magique, ce disque. À l'image de la pochette, il y a des disques où la pochette te raconte ce que tu vas avoir à l'intérieur. Et honnêtement, je trouve qu'il y a une vraie adéquation entre le côté très mystérieux, très cinématique de la pochette par rapport au contenu musical. Bah, c'est-à-dire qu'il t'emmène dans un espèce de voyage. Ça part tout doucement, mais ensuite, il y a des sonorités un peu étrangères qui arrivent. C'est presque un disque. Je dirais pas que c'est un disque à fumer, mais c'est... Ah si, si, ça pourrait. C'est pour ça que j'ai dit que ce disque est un peu starbé. Je me demande dans quel état d'esprit il a été fait, quand même. Ah, alors, j'ai lu quelque part que, effectivement, dans la fin de carrière du groupe, c'est le dernier, le huitième et dernier album. Alors, c'est assez rigolo parce que je trouve que vraiment le début et les premiers disques sont beaucoup plus dans la stratosphère que celui-là, mais il semblerait qu'ils aient pris beaucoup plus de substance vers la fin de leur carrière. Donc, ça va avec ce que tu dis. Oui, et sur cet album, ça se sent. Tu vois, on a vu les Dexys avant, j'ai dit ils ont dû prendre beaucoup de bière pour prendre un album comme ça. Ah, ça m'étonne pas. Et là, pour celui-là, je dis ils ont dû fumer autre chose. Mais... Ah ouais, bah, il semblerait que ça soit le cas. Mais honnêtement, je l'avais pas vu venir, quoi. Voilà. Je l'avais pas vu venir. On passe en 81 pour ton album suivant. Alors, l'album suivant, donc pareil, c'est toujours le ver d'oreille de cette époque. Et là, j'ai choisi le fantasme du début des années 80. Kim Wilde, avec un album qui s'appelle Kim Wilde d'ailleurs, 1981. J'ai choisi Kids in America. Je pense que c'est le plus connu et il sonne super bien. Kim Wilde, son premier album, le morceau choisi c'était Kids in America, mais Water on Glass, qui est le tout premier de l'album, me plaît vraiment beaucoup, je trouve qu'il a un punch terrible. Pourquoi j'ai choisi cet album, donc premier de Kim Wilde? Parce que déjà je trouve que tous les morceaux sont bons. Kim Wilde, pour moi, c'est une artiste qui se résume pas juste à la blonde britannique et mignonne et qui a inspiré Laurent Voulzy. Je trouve que son album est vraiment très bien, le suivant aussi d'ailleurs. Il est varié, il y a des musiques très rythmées, vous avez des musiques plutôt avec des sonorités plutôt reggae à l'intérieur, donc c'est vraiment pas mal du tout. Les textes ont un sens, pour ceux qui veulent se pencher sur les textes, il y a des chansons vraiment à thème à l'intérieur, qui méritent vraiment une écoute et une lecture. Donc là, l'album a forcément eu pas mal de succès en Grande-Bretagne, il a été très bien accueilli, et dedans, il y a trois disques qui ont vraiment été retenus, donc vous avez Kids in America, qui a été retenu, Checkered Love, qui a été aussi un énorme succès, et Water on Glass, qui a eu énormément de succès. Enfin, le titre principal, c'est vraiment Kids in America. C'est celui qui m'a le plus marqué et qui a lancé toute la carrière de Kim Wilde. C'est pas du tout un disque que je considère comme commercial, puisque il a vraiment été fait avec une rencontre entre Kim Wilde et le reste du groupe, et ça se ressent vraiment qu'il y a deux influences dedans. Donc les autres membres, c'est The Enid, pour information. Passer aussi, comme le disque précédent, au-delà des titres qui sont vraiment connus de tous, ça s'écoute d'une traite, ça passe vraiment très bien avec des styles variés, ça vaut le coup. Alors, moi fan. Si, très très fan justement. Puis il n'y a pas que la phase Woolsey, les nuits sans Kim Wilde, je m'ennuie souvent. Non, j'ai tout de suite accroché. Je parlais de ma radio 100% vincennoise tout à l'heure. Kids in America faisait partie de la programmation ultra régulière. Donc c'est un truc que j'avais en cassette et qui passait en boucle. Les autres titres, à l'époque, je ne les connaissais pas. Mm-hmm. Même Checkered Love, je crois qu'il avait du succès en France. Moi, j'avais vraiment que ce titre-là en tête. Je connaissais pas l'album. Honte sur moi. Avant l'émission ? Avant que tu m'en parles. Autant j'avais Select en cassette, donc le suivant, celui de 82. Autant, je ne sais pas pour quelle raison, je n'avais pas jeté un coup d'oreille à ce disque. Néanmoins, pour une raison qui est tout aussi mystérieuse, je connaissais parfaitement le titre 265 Halo. Qui est très bien. Qui est excellent. Je ne sais pas d'où. Mais surtout qu'il est... Non, il n'est pas sorti en single. Il y a eu trois singles sur cet album et il n'en faisait pas partie. Et ben je ne sais pas pourquoi, mais à la première note, j'ai dit, oh oui, ça je connais, mais je sais pas d'où et je sais pas de quand. C'était un des deux seuls titres que je connaissais de l'album quand je l'ai écouté. Pour la préparation de l'émission, il n'y a absolument à rien acheter. Il y a 10 titres, donc c'est un album court mais de grosse qualité. Ça commence direct avec Water on Glass qui est vraiment extrêmement rythmé, qui vous prend. Outtown, c'est aussi rythmé. Et par contre, je vous invite à regarder le texte dedans. Ça parle vraiment de la vie dans le quartier dans lequel ils habitaient, qui est pas mal du tout. Everything We Know, c'est une rupture de rythme qu'on passe au niveau reggae dedans. Kids in America, Checkered Love, normalement tout le monde connaît. Et le titre que tu viens de citer qui est vraiment très bien. Donc sur 10, franchement, il y en a peut-être un qui est un peu plus faibleur que les autres, mais c'est vraiment très bien. Et franchement, quand on écoute cet album-là, on peut pas du tout dire que ça a été une personne que les producteurs ont mis devant le micro en disant « Chante, t'es mignon, tu vas y arriver ». C'est vraiment pour moi un album à part entière et qui mérite vraiment une bonne discographie, une bonne édition. Ouais, je la vois plus comme très représentative d'une époque où, pour le coup, il y avait quand même un certain nombre de femmes, je vais pas dire avec des couilles, mais avec une personnalité assez forte. Donc effectivement, il y a Debbie Harry, et puis il y avait pas de Benatar aussi à l'époque. Je l'ai jamais vu comme un produit marketing, mais effectivement, plus comme quelque chose typiquement entre Blondie et pas de Benatar. Mmh. Ouais. Alors, il paraît que tu as crisé sur le troisième album de ma sélection. Vas-y. On va discuter après. Ah, j'ai sélectionné donc comme troisième album l'album Simple Man de Klaus Nomi qui est sorti en 82 et comme titre j'ai pris I See You Are Okay. I see you are okay to say. I see you are okay to. I see you are okay to. You are, if you think I want you to, oh, to easy, I want you to. Donc c'était I See You Are Okay de Klaus Nomi, extrait de Simple Man, sorti en 1982. Alors attention, cultissime pour moi. Donc c'est un chanteur allemand, à l'origine qui était quand même plutôt spécialisé dans l'opéra, dont la carrière va démarrer à New York en 78, dans un spectacle qui s'appelait New Wave Vaudeville, au cours duquel il va interpréter un extrait d'un opéra de Saint-Saëns, et c'est l'aria « Mon cœur s'ouvra ta voix », donc il chantait en français, même si honnêtement j'ai beau tendre l'oreille, j'arrive toujours pas à choper un mot de français dedans, mais enfin bon. Et il débarque dans cette espèce de New York encore très underground, très arty, avec un personnage complètement extraterrestre, qui chante de l'opéra sur 3 ou 4 octaves, qui mélange ça avec du cabaret, avec de la new wave, et il crée comme ça un personnage qui est complètement unique, et qui va assez rapidement faire l'attraction dans le petit monde de l'underground new-yorkais, et qui va surtout faire beaucoup l'attraction en France. Dans mes souvenirs, on le voyait quand même assez régulièrement. C'est un mec qui fait de l'avant-garde, du classique, de la new wave, qui a un côté complètement transgressif dans tout ce qu'il fait, et qui a un côté personnage de cartoon, et ça plaît aux jeunes, et moi j'étais fasciné par ce personnage de cartoon, qui pouvait chanter comme on disait, comme un général prussien, et ensuite comme un ange qui était échappé du ciel, et il m'a éclaté tout de suite. Mais vraiment, j'étais fasciné par ce mec, et fasciné par ses chansons. Sérieusement. Bah, moi je suis complètement passé à côté, et j'avoue, et honnêtement, je sais pas, j'ai dû vivre dans une bulle, mais j'ai même jamais entendu parler de lui. Bon, apparemment, je me suis renseigné, il y en a d'autres qui l'ont reconnu. Mais là, donc je peux pas trop parler de ma relation avec cet album-là à l'époque forcément, mais par contre quand on a préparé l'émission, donc j'avais ta playlist, j'étais en train de me la passer, j'étais au bureau, puis je passais les disques derrière, donc je me tapais Roxy Music, etc. Puis à un moment, j'ai un son qui arrive dans l'oreille, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et c'était justement ce disque-là, puis je regarde, je dis mais attends, j'ai dû me tromper dans la sélection, il y a un truc qui va pas, et puis je regarde, non, si, c'est bien ça. Du coup, j'arrête d'écouter, ça me turbe, j'ouvre YouTube et je regarde le clip qui est encore plus avec la musique. Et là, je me suis dit, ce type, il est complètement habité, il faut absolument que je demande à Wiz, est-ce que c'était juste un clin d'œil pour dire, allez, je te mets un disque What the Fuck pour égayer, ou est-ce que j'aime vraiment ? Parce que franchement, et du coup, après, je suis allé dans le bureau de mon équipe, j'ai mis le disque pour demander ce qu'ils en pensaient. C'est vraiment vachement dur à écouter, quand même. Tu trouves pas ? Moi, non. Pour ceux qui connaissent pas, je ne peux que très chaudement recommander le documentaire The Nomi Song, qui explique toute la trajectoire du personnage et qui est passionnant à plus d'un titre, c'est-à-dire pas juste pour le chanteur, mais aussi comme un témoignage de qu'est-ce que c'était que le milieu de l'art et le milieu un peu underground à New York à l'époque, à la fin des années 70, avec aussi ce côté un peu tragique des débuts du sida, parce que la fin de Nomi est aussi édifiante pour ce qu'elle a de novateur, enfin même si le terme est assez mal choisi, mais c'est doublement tragique de voir comment ce personnage un peu hors du temps et hors du monde disparaît de manière complètement cataclysmique, et en laissant tout le monde doublement interdit, déjà parce qu'il part, et parce qu'il part d'une manière que personne connaissait à l'époque. Le reportage est vraiment fabuleux, et mérite d'être vu, même si on n'est pas fan du personnage. En tout cas, c'est une découverte. Je peux briller comme ça en société en disant, écoutez, j'ai écouté l'album de Klaus Nomi ce week-end. C'est déjà ça de prix. Alors, on revient sur quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, conventionnel. Donc là, on attaque les rééditions et tu nous as sélectionné un album. Ça y est, on a ajouté une année, on passe en 83. On passe en 83, donc je vous ai choisi encore un verre d'oreille pour moi. Et ce sera Rod Stewart avec l'album Body Wishes 1983. Et le titre choisi est Baby Jane. Baby Jane, je pense que notre disque jockey de l'époque devait avoir des disques préférés, puisque ça faisait partie avec Billie Jean des disques qu'on avait régulièrement en permanence. Et donc c'est vraiment un disque qui compte énormément. Et à chaque fois que je l'écoute, j'ai des petits frissons nostalgiques de cette époque-là. Je trouve que le disque de Baby Jane est vraiment un peu à part dans le reste de l'album. Le reste, je le trouve très rock. Dès le début, il y a énormément de sonorités guitare. À ma grande surprise, apparemment, le disque a été mal accueilli, mais pour moi, je pensais que j'avais vraiment un chef-d'œuvre sous le coude, peut-être parce que ça arrive un peu plus tard dans la carrière de Rod Stewart, parce que c'est son 12e album. Il a eu du succès, mais uniquement en Europe et surtout en Angleterre. Pour moi, quand on écoute tout le contenu de cet album, il n'y a pas une très grande variété, mais l'album, encore une fois, est extrêmement cohérent. Je ne connais pas assez bien sa discographie d'avant pour savoir s'il était en rupture ou pas avec ce qu'il avait l'habitude de faire, mais je retrouve vraiment toutes les sonorités qui me plaisaient. Le son de la réédition est extrêmement bonne, puisqu'on avait le 33 tours à l'époque, et je trouve la réédition qui a été faite, le remaster, a une pureté absolument énorme dans les musiques. Toutes les guitares électriques, toutes les batteries sonnent absolument formidablement. Et même quand on a des échantillonnages sur des plateformes comme Deezer, le son est absolument génial. Pour moi, il n'y a pas de déchet dans ce titre-là. Forcément, celui que je retiendrai, et là, c'est pas juste une sélection comme avec Kim Wilde, c'est vraiment le titre que je préfère de tout l'album. Cela dit, c'est quand même pour moi de la très bonne qualité. Il faut aimer ce genre de musique, bien sûr, mais c'est un album qui mérite d'être parcouru et qui représente bien cette période de fin des années 70 extrêmement électrique. D'accord. Eh ben, c'est rigolo parce que, alors, sur un certain nombre d'aspects, on a vraiment une vision qui est très très différente. Ah bon ? Ah ouais, c'est assez rigolo. Commencer par dire que Baby Jane, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter ? Et alors, je ne suis comme toi pas du tout un connaisseur du Pepper, et j'ai découvert qu'il y avait une autre chanson que je connaissais, qui est le début de Phase B, What Am I Gonna Do, mm-hmm. et que j'aimais bien aussi. Donc, tu connaissais pas trop l'album ? Je ne connaissais pas l'album. Je peux pas dire que je le trouve mauvais. Donc tu rejoins la critique, en fait. Je peux pas dire que je le trouve excellent. Il y a un certain nombre de points négatifs que je lui trouve. Le premier, c'est d'avoir quand même un certain nombre de titres qui sont assez déficients d'un point de vue mélodique. Mm-hmm. Le titre d'intro, il est péchu, mais il sonne comme un mauvais Rolling Stone, je trouve. Je trouve qu'il part... Alors, pour le coup, je le trouve pas cohérent du tout. Ah bon ? Mais alors... Pas du tout. Il y a des trucs. Tu sais pas ce que vient foutre justement Baby Jane après le premier titre. Oui, il change de sonorité. Après, tu reviens de nouveau sur un titre qui est comme le premier. Tu passes sur une espèce de balade très années 80, très très synthétique, pour passer encore sur un autre truc qui sonne plus années 70. Et puis après, on revient sur le gros tube top 50. Il y a plein de bons trucs, mais effectivement, pour moi, c'est pas la cohérence de l'ensemble qui prime. Il coupe certaines chansons quand même. On sent qu'il veut pas dépasser les 40 minutes. Il y en a certaines qui coupent de manière super abrupte. Ouais. Il y en a certaines, honnêtement, pour le coup, qui sont quand même pas mauvaises et qui auraient bien mérité d'avoir une minute 30 de plus. Et puis alors, un dernier point, moi, qui est rédhibitoire pour moi, c'est la prod. Le son, il est merdique. Attends, mais tu parles de la réédition ? Ah bah, j'ai écouté deux versions. J'ai écouté un CD de base et j'ai écouté le remaster. Et les deux sont identiques en cela qu'ils sont mixés pour passer à la radio. Ah bon ? C'est-à-dire avec un mixage super étroit. Ouais. Ça rappelle le boulot qui était fait sur les disques de Claude François à l'époque. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout conçu de manière audiophile, alors pas un poil. Après, il y a quand même un truc qui le sauve, c'est que dessus, il y a des chansons que j'aurais toujours énormément de plaisir à écouter. Bon, on va dire qu'on retient cet album parce qu'il y a ces chansons là-dedans. Alors, ça, moi je recule de nouveau, et bien j'ai choisi l'album Tom Tom Club du groupe Tom Tom Club. Et là j'ai fait super classique, j'ai choisi le titre Worthy Rapping Hood. Words in papers, words in books, words on TV, words for looks, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you, eat your words but don't go hungry, words have always nearly hung me. Donc c'était Worthy Rapping Hood de Tom Tom Club, issu de l'album du même nom qui est sorti en 1981. Alors niveau encyclopédique, j'ai pas des caisses à dire. Tom Tom Club, c'est un groupe qui est toujours actif. Uh-huh. qui a été créé en 1981 en marge du groupe Talking Heads. Il a été créé par deux de ses membres. On est très dans le prolongement de ce que faisait justement Talking Heads à l'époque, une espèce de chaînon manquant entre la funk, la new wave, avec toujours un côté assez arty sur les bords. Et en plus, il rajoute dans ce Tom Tom Club des inspirations de ce que commençait à devenir le hip-hop à l'époque. Donc ça a fait un mélange que je trouve très efficace, très très dansant, qui est pas trop, enfin moi que je trouve pas trop trop daté. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Bah, là pour une fois t'as pris le disque le plus commercial de l'album par contre. Pour le coup. Oui, oui, alors il faut que je précise que de la même manière que pour le Klaus Nomi, j'avais un 45 tours et j'avais plusieurs titres en cassette, mais j'avais pas l'album, j'aurais adoré l'avoir à l'époque, mais je l'ai eu qu'un petit peu plus tard. Tom Tom Club, c'est pareil, j'avais enregistré plusieurs titres à la radio, j'avais pas l'album. Fatalement, c'est le titre le plus connu qui m'a attrapé en premier. Donc c'est celui-là que je garde, parce que voilà. C'est comme ça que j'ai retrouvé l'album pour le coup. Parce que j'avais ces chansons-là en cassette, enregistrées à la radio, je ne savais pas quel était le groupe. Ah bon ? Absolument pas. J'ai retrouvé ça, mais très très très très tard. Parce que c'est en me souvenant. J'ai une espèce de mémoire à la con qui retient des trucs, tu sais pas pourquoi. Et je me souvenais de la partie en français. Qu'on comprend très bien d'ailleurs, pour une fois. On comprend très bien, mais ça veut pas forcément dire grand-chose. De toute façon, pas grand-chose veut dire grand-chose dans leur disque. Clairement. Mais je me souvenais mot pour mot de ce qui était dit, et en fait, c'est en faisant une bête recherche entre codes, j'avais mis la ligne que j'avais en tête, et ça m'a sorti Tom Tom Club. Et j'ai retrouvé le groupe il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. C'est vraiment très très neuf, et c'est en écoutant l'album que je suis, ah bah oui, mais ça je connais, et puis ça je connais, et puis ça je connais. Et en plus, si tu regardes sur YouTube, t'as plein de... Parce qu'ils chantent pas que leurs disques, ils font pas mal de scènes, et à chaque fois qu'ils sont invités sur une émission, ils se sentent obligés de faire le show, et ils font des réinterprétations, et sont... Enfin, c'est vraiment des interprètes, je trouve. Ils mettent vraiment un style particulier, c'est déjanté. Ça me fait penser un peu... Je peux être peut-être pas d'accord, mais un groupe, les B-52s, qui ont tendance un peu à partir en vrille quand tu les laisses en live. Et ça me fait penser à peu près à ce groupe-là. Bah, dans un autre registre, un truc peut-être un peu moins pop, un peu plus funk, je trouve que les B-52s sont plus... Commerciaux ? Non, plus barrés. Ouais, ils sont barrés comme Tom Tom Club. Musicalement, je trouve que ça part moins dans les extrêmes que B-52s qui chantent Quiche Lorraine, quoi. Enfin, franchement, l'histoire du caniche avec son petit bonnet sur les... Enfin, ça, c'est pas... Qui chante ça, quoi ? Franchement. Donc bon, je trouve qu'il y en a qui part un peu plus dans la coque que l'autre, mais oui, on peut lui trouver une parenté. Enfin moi, ça me plaisait beaucoup à l'époque, je trouvais ça vraiment rigolo, vraiment sympa. Je mets ça dans les rééditions, alors à deux titres, j'en ai qu'une sur les deux. J'ai racheté l'album il y a pas très longtemps, il y a un mois, deux mois, parce qu'il est ressorti en vinyle aux États-Unis dans une jolie galette jaune et bleue, c'est mordoré, c'est le disque est super joli. Puis je l'avais pas, donc voilà, mais je case quand même, parce que alors, celui-là était compliqué à trouver, qui a une version beaucoup plus simple à trouver, qui est en CD et qui est super bien. Ils ont fait une version deluxe en 2009, donc avec les traditionnels deux CD, sachant qu'il y a tous les bonus, tous les maxi, tous les machins, tous les versions longues, les versions courtes, les versions mi-courtes. Et comme il manquait encore de bonus pour remplir le deuxième disque, ils ont carrément mis la totalité du deuxième album en bonus, ce qui est relativement sympa. Et puis on le trouve vraiment pas très cher, donc c'est si on doit conseiller une version, ça, le Deluxe CD de 2009, il est très bien. Donc on aborde les hors-sujets. Alors je t'ai laissé le choix, parce que soit on faisait du hors-sujet, soit on prenait du hors-80s, mais qu'on écoutait, ce que j'ai fait pour moi pour le coup, du hors-80s qu'on écoutait à l'époque sur ce créneau 81-85. Donc a priori, ce que t'as choisi, tu ne l'écoutais pas entre 81 et 85. Ah non, c'est pas possible. Moi j'ai fait du hors-sujet total, donc tant qu'à faire. Maintenant, je réalise que peut-être c'est pas trop connu. Hein. C'était beaucoup diffusé en Asie, mais peut-être pas trop en France. Et un album que j'aime beaucoup, et visiblement qui passe pas du tout à la radio ici, c'est un groupe qui s'appelle les Yeah Yeah Yes. L'album s'appelle It's Blitz, ça date de 2009. Et l'extrait que je choisis, c'est Heads Will Roll. Yeah. Voilà le titre, Heads Will Roll. C'est un des titres phares de l'album. L'autre titre, c'est Zero. J'aime vraiment beaucoup ce groupe. Alors, je me suis dit que ça allait pas trop plaire, Wiz, dedans, vu ce que tu écoutes, mais finalement, le groupe est extrêmement déjanté. D'ailleurs, le It's Blitz, c'est l'album qui est plus écoutable, on va dire, que le précédent, ou que les précédents, d'ailleurs. Ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Mosquito. Donc, c'est un groupe américain originaire de New York. C'est des sonorités un peu électro, rock, post-punk. Ils sont assez déjantés dans les disques qu'ils font. L'album le plus équilibré, franchement, c'est celui que j'ai choisi, It's Blitz, avec des sonorités électro, et à un moment on enchaîne avec la grosse guitare électrique. Pour moi, ça déménage vraiment pas mal. J'aime vraiment cet album. Il y a une ou deux chansons qui sont beaucoup plus douces qui arrivent dedans, et c'est vraiment top. Quand j'ai commencé à l'écouter, j'habitais au Vietnam, en Asie, et ça faisait partie des disques qui passaient régulièrement, donc je sais pas trop s'il y a eu un écho en Europe sur ce groupe, donc c'est pour ça que je voulais le présenter là. Et il est vraiment top. Enfin, moi, franchement, c'est un album, j'aime beaucoup les sonorités électro, j'aime beaucoup la guitare, là il mélange les deux en même temps, et je l'écoute vraiment avec beaucoup beaucoup de plaisir. D'accord, donc il y avait des albums qui sont liés à Tu reprendras la salade de fruits, donc celui-là c'est plutôt, est-ce que vous reprenez des nems? Oui, c'est ça. Alors, je ne suis absolument incapable de te dire si ce disque ou ce groupe et ou slash a fonctionné, connu, pas ou machin en France. Comme je te disais un poil avant qu'on appuie sur le bouton record, globalement, si c'est sorti past 95, je connais pas, c'est dramatique. Je fais le vieux con, enfin ça de toute façon, je pense que je suis né vieux con, donc ceux qui me connaissent seront pas étonnés. Mais honnêtement, je vais pas dire que c'est mauvais, je vais pas dire que c'est bon, c'est simplement que c'est un autre langage, c'est un autre truc, ça ne me parle pas. Je sais pas comment dire, j'ai l'impression d'avoir 250 ans quand j'écoute ce disque. C'est vrai ? Complètement. Mais c'est un peu comme si je mettais Plastique Bertrand à ma grand-mère. Ah oui, carrément. Pourtant, j'ai plus violent hein, comme disque, mais... Ah mais j'en doute pas. Mais honnêtement, je ne sais pas quoi dire sur ce disque, je l'ai écouté deux ou trois fois, et il n'y a rien qui me cause, je peux pas avoir d'avis dessus, ça me... C'est un autre univers. Ouais, c'est un autre univers musicalement, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils font musicalement, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils font en termes de chant. On sent bien qu'ils essayent de rattraper quelque chose d'un petit peu rétro, mais ça sonne, pour moi ça sonne absolument pas rétro. Bah tu vois, pour aller à l'encontre des mauvaises critiques qu'il y avait sur Body Wishes de Rod Stewart, Rolling Stone Magazine classe l'album dans les 50 plus grands albums de tous les temps, catégorie Women Who Rock, donc les femmes qui font du rock. D'accord. Et Mireille Mathieu ? Ah, je sais pas. Non, mais franchement, moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que je me posais des questions avec la... Je dis, attends, est-ce que je prends un album où on va être en phase avec Wiz ou pas ? Donc, j'avais hésité avec Plan B. Plan B, je me suis dit, ouais, c'est l'album Defamation qui est vraiment monstrueux. Je dis, ça va peut-être plus lui plaire, mais je crois que Plan B, on le connaît en Europe. Et Yes, je crois qu'il y a un petit doute. Donc, je dis, autant leur faire découvrir ce groupe que j'aime beaucoup. Voilà. Tu vas nous proposer du plus standard là maintenant. Alors du plus standard, et surtout je sors un disque donc que j'écoutais à l'époque. Je l'ai eu en 82 me semble-t-il. L'album donc c'est Equinox de Jean-Michel Jarre, un album de 78. Et j'ai choisi Equinox 3. Donc à faire. Ben oui. Donc c'était Equinox 3 de Jean-Michel Jarre, donc extrait de Equinox, qui est donc de 1978. Donc pourquoi Equinox 3 ? Eh ben parce que c'était un titre que je connaissais, c'était le seul titre que je connaissais avant de découvrir l'album. Je t'avouerai que j'ai pas cherché, donc je pourrais pas citer l'émission, mais d'un autre côté, je pense que personne s'en souvient. Equinox 3 était utilisé comme générique d'une émission de radio à l'époque. Il me semble que c'était sur Inter, mais j'ai pas cherché, donc là aussi honte à moi, mais c'est un truc que j'entendais très régulièrement. Et en 82, on m'a fait une copie du disque complet. Et autant je connaissais Jarre pour Oxygène, parce que mon oncle aimait beaucoup ça, donc j'avais écouté des bouts, mais j'avais jamais écouté le disque en entier, que Equinox, c'est le premier disque de Jarre, le premier disque d'électro, d'une certaine manière le premier disque qui a vraiment une unité conceptuelle que j'ai écouté en entier, que j'ai pris comme une œuvre et pas juste comme une collection de 45 tours. Donc il m'a fait une énorme impression et je me faisais des films dessus en permanence. La musique est tellement visuelle. J'ai lu qu'il avait conçu l'album comme l'évocation d'une journée. J'avoue que je le vois pas du tout comme ça, moi, mais bon. Je vois pas du tout ce lien-là quand j'écoute le disque. Mais par contre, je voyais un grand film de science-fiction avec des robots partout. Enfin, vraiment, il me parlait énormément. Et il y a ce côté très... Autant Oxygène était axé sur l'air, Equinox est axé sur l'eau, et il y a des sonorités magiques sur ce disque. Et vraiment, c'est de là que date, on va dire, mon ouverture sur les synthés, sur la musique électronique. C'est de là que date mon amour pour Jarre, qui n'est pas encore parti, même si ces derniers trucs, j'adore un petit peu moins. Je sais plus si c'est moi qui vais un peu critiquer. Mais va. De mon côté, franchement, j'adore la musique électro. De la musique électro même un peu punchy. Enfin, je sais pas si tu connais des groupes comme Orbital ou... Si. Enfin, j'aime bien ce genre de musique. J'ai toujours eu du mal avec Jean-Michel Jarre. Je reconnais ce qu'il a fait. À mon avis, ses spectacles doivent être... La mise en scène doit être absolument incroyable. Même si je suis extrêmement fan, je pense que j'assisterai à un concert sans aucun problème. Il n'y aura pas de souci derrière, rien que pour voir le show. Maintenant, les albums qu'il a fait, pour moi, c'est très difficile d'écouter un album de Jean-Michel Jarre du début à la fin. Justement, tu sais, tu parlais de mélodie. Jean-Michel Jarre, je trouve que ça manque de basse ou de rythme. Je trouve que c'est vraiment fade ce qu'il fait. Autant j'adule totalement son père. À l'inverse. C'est autre chose. C'est pas du tout la même catégorie, mais tant qu'à parler de musique pure, j'adore Maurice Jarre. D'ailleurs, il a fait des musiques de cinéma magnifiques, Enemy Mine. J'adore la musique qu'il a fait là-dessus. Tiens donc, je savais pas que c'était lui. Ouais, j'ai Enemy Mine, Ghost et tout. Enfin, Enemy Mine, j'adore ce film. Enemy Mine, quand il se balade sur la planète avec le fils de l'extraterrestre, c'est absolument magnifique. Je vais me refaire le film pour le coup parce que j'avais pas du tout cette notion-là et c'est un film que j'adore. Alors pour le coup, tu vois, j'avais jamais remarqué ça. Je l'ai en Blu-ray, il existe pas en version française, faut le commander à la version allemande, mais c'est très bien. Et Jean-Michel Jarre, c'est vrai que ça avait même dans les années 80, il y avait ce côté nouveau électronique, donc ça avait un petit côté neuf, séduisant, t'as envie d'y aller, mais sans filer tout l'album. Et pour te dire, pour que je me plonge dans son dernier album que je me suis pris là sur Deezer, je crois que c'est Electronica, je l'ai vraiment écouté parce que je savais qu'il avait fait une collaboration avec John Carpenter. Donc il a fait une collaboration sur un titre qui s'appelle Question of Blood, et du coup on reconnaît très bien la patte Carpenter dedans. Donc là du coup j'ai adhéré sur le disque, mais Jean-Michel Jarre c'est vraiment dur pour moi. Quelque chose à ajouter ? Non. Eh bien, écoute, donc je pense que sur ce, ça va clore notre émission du jour. Pour pas changer les bonnes habitudes, au moment où nous enregistrons l'émission, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais mettre en générique de fin. Donc, vous allez le découvrir quand ça va passer. Vous pouvez suivre l'actualité comme d'habitude hein, sur les internets, les réseaux sociaux, les machins, les Twitter, les Facebook, les bidules, tous les trucs auxquels je suis pas abonné, donc je ne sais pas vendre. Je te remercie infiniment pour ta présence, Monsieur Gizmo. Mais merci à toi de m'inviter. Et puis, il me semble que pour la prochaine, c'est du Mika Murdoch pour fêter Papa Noël et compagnie. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis voilà, à la prochaine sur nos ondes. Salut à tous. À plus, ciao ciao. Sur la plage des corées des pâtés, les vacances, les jeux d'été et les schtroumpfs joueront à s'attraper. Cours après moi, schtroumpf. Petit chou, rit très fort, car c'est l'été. Joue et cours, patine, trouve.